Le porte-parole du ministère coréen des Affaires étrangères a publié le 1er décembre un entretien qui note, entre autres, « Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution de sanctions contre notre essai de l'explosion de l'ogive nucléaire tenue en septembre dernier. Cela n'est qu'un nouvel abus de pouvoir refusant notre droit d'autodéfense et qu'une atteinte à notre souveraineté portée sans égard à sa fonction par le Conseil de sécurité de l'ONU sous la baguette des Américains. » Nous la condamnons sévèrement et la rejetons résolument. Le Conseil de sécurité de l'ONU n'a aucun droit d'interdire des exercices du droit à l'autodéfense d'un État souverain comme des mesures de renforcement de la capacité de défense nationale, y compris des essais nucléaires, et surtout, aucun article de la Charte de l'ONU et du droit international ne précise que l'essai nucléaire menace la paix et la sécurité internationale. Jusqu'à aujourd'hui, le Conseil de sécurité de l'ONU n'a jamais arrêté des milliers d'essais nucléaires et de lancements de missiles livrés par nombre de pays du monde, y compris tous les 5 pays membres permanents. C'est pourquoi la plupart des pays membres de l'ONU, y compris les pays non alignés, exigent ardemment la rénovation du Conseil de sécurité de l'ONU que les puissances utilisent comme appareil politique sans égard au droit international. Ce sera une grande erreur que si Obama et ses alentours pensent qu'une sanction et une pression nous obligeront d'abandonner la ligne d'armement nucléaire et détruire notre position de puissance nucléaire. La sanction n'apportera que l'aggravation de la tension. Si la situation de la péninsule coréenne et de la région tombe dans un état incontrôlable, les États-Unis, meneurs principaux de l'adoption de la résolution de sanctions, s'en chargeront de la responsabilité totale.